La vénération envers le général Kim Jong-il a animé le monde à l'occasion de la journée de la brillante étoile, jour de sa naissance. Le Parti pour la prospérité et le progrès nigérien, le Parti révolutionnaire socialiste péruvien et le Conseil législatif de la province de Yaracuy du Venezuela ont conféré au général coréen le diplôme du titre de dirigeant national d'honneur, le diplôme d'honneur international et l'ordre suprême, alors que le président national du Parti pour la prospérité et le progrès nigérien, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des études de Suisse lui ont offert les présents. Le Cambodge, la Russie et autres nombreux pays du monde, la Fédération internationale des associations d'études des études et de la politique de Sengun de l'Europe Est et de l'Asie centrale et le Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen ont organisé les comités préparatoires sous divers noms regroupant les personnalités politiques et sociales. Le roi et la grande reine cambodgien, le co-administrateur général du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il, diverses organisations politiques et sociales, établissements et personnalités de différents pays du monde ont fait parvenir les corbeilles de fleurs à l'ambassade coréenne dans leur pays. Les personnalités des gouvernements, partis politiques et organisations sociales ont visité les représentations coréennes pour déposer les corbeilles et bouquets de fleurs devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et leurs tableaux de peinture avant de formuler leur hommage. Des centaines de cérémonies variées, notamment expositions de Kim Jong-iliens, ont eu lieu partout dans le monde. Divers pays ont fait paraître en brochure les œuvres du général et du dirigeant suprême Kim Jong-un, des idées du Juche et la cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il triomphera à coup sûr, tandis que d'autres presses du monde ont présenté largement l'histoire des activités révolutionnaires du général coréen avant et après le 16 février.